France Culture. Une mémoire radiophonique. On ne lit plus guère Gilbert Sesbron. Il fut pourtant un temps, des années 50 aux années 70, où ses livres se vendaient fréquemment par centaines de milliers, voire par millions. Il peut y avoir là matière à réflexion et peut-être une invitation à une certaine modestie pour les auteurs qui, aujourd'hui, vendent leurs ouvrages comme des petits pains. Si on ne lit plus beaucoup Sesbron, écrivain et catholique qui refusait l'étiquette d'écrivain catholique, c'est peut-être que ses textes, les essais comme les romans, traitaient de thèmes qui appartenaient à l'actualité de leur moment et que cette actualité-là et la manière dont il la traitait ne sont justement plus d'actualité. Mais les titres, au moins, de ses livres, dont certains furent adaptés au cinéma, sont encore dans les mémoires. Notre prison est un royaume, Chien perdu sans collier, C'est Mozart qu'on assassine, ou encore sa pièce Il est minuit, Docteur Schweitzer. En 1972, l'année où il publiait Voici le temps des imposteurs, Gilbert Sesbron était l'invité de Pierre Lost dans Les mots-clés sur France Culture. Aujourd'hui, c'est Gilbert Sesbron que nous avons la joie de recevoir dans notre émission. Cher Gilbert Sesbron, vous connaissez la règle des mots-clés, elle est très simple. Je vais vous proposer, vous jeter au visage, si j'ose dire, un certain nombre de mots ou de noms qui devraient déclencher immédiatement en vous une réaction. Vous prendrez le temps que vous désirerez pour répondre à chacune de ces sollicitations. Vous êtes prêts? Allons-y, la foi. Oh bien, la foi c'est tout. La foi c'est tout. Je refuse, vous le savez, l'étiquette écrivain catholique. C'est même pourquoi sur mon dernier livre, Ce que je crois, j'ai demandé qu'on mette sur la bande tout sauf un catéchisme, pour que vraiment le lecteur ne croie pas qu'il s'agisse d'un credo. Mais cela dit, si je repousse l'étiquette écrivain catholique parce qu'elle fait boutique, je suis essentiellement un chrétien. Enfin, je suis fondamentalement chrétien, sans ostentation, avec toute l'humilité que ça comporte, car on n'est jamais chrétien. On essaie toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, d'être chrétien. Les saints eux-mêmes ont une agonie effroyable, parce que plus on avance dans, je ne dis pas la perfection, ce qui n'a pas grand intérêt, mais la sainteté, c'est-à-dire l'amour fou de Dieu, plus on avance et plus on s'estime indigne. L'écriture. Je viens de vous dire que la foi, c'est ma vie. Je ne peux pas ajouter que l'écriture, c'est ma vie. La foi, c'est ma vie en profondeur et l'écriture, c'est ma vie en surface. Je veux dire que j'ai toujours exercé un second métier depuis 1935, ça fait beaucoup d'années. Mais mon premier métier, mon seul, mon unique, c'est écrire. Écrire, ça signifie à la fois s'exprimer et partager, parce que quand on est un jeune auteur, on dit « Oh, j'écris pour moi !» Mais c'est pas vrai. On écrit pour partager, on écrit pour être lu. C'est pas du cabotinage, c'est parce que ça fait partie de ce partage indispensable. Le lycée Condorcet. Ah, lycée Condorcet, vous avez choisi vos mots. Hein. Je pense bien pas sûr. Vous... Ah, bon. Le lycée Condorcet, ça a été un enchantement. Vous voyez, nous sommes en période de rentrée. Je sais que pour beaucoup, on dit maintenant les lycées casernes. Moi, je tombe des nues quand j'entends ça, car le lycée Condorcet, ancien lycée Napoléon, où on rentrait encore en classe au son du tambour, était peut-être, en effet, le type du lycée caserne. Ce que je sais, c'est que je n'ai pratiquement jamais été aussi heureux que là, que j'ai adoré les études, que j'ai adoré mes maîtres, que je vois encore les survivants d'entre eux avec un respect, une gratitude, que je leur dois à peu près tout. Et j'ai essayé de l'exprimer dans Notre prison est un royaume, où il y a le mot prison, ça c'est le côté lycée-caserne, mais je n'y crois pas, et où il y a surtout le mot royaume. L'homme. Ben, l'homme c'est le plus grand commun dénominateur de nous tous. C'est pour ça, je m'excuse d'y revenir, que dans ce livre, Ce que je crois, sur 13 chapitres, il y en a 11 où il n'est fait aucunement référence à Dieu, à l'au-delà, à la métaphysique. C'est un livre d'un homme pour les hommes, d'un homme parmi les hommes pour les autres hommes. Et je voudrais que les hommes de tous les bords, de tous les horizons, puissent lire ce livre et s'y reconnaître fraternellement. Pour moi, alors là je parle en chrétien, Vous comprenez, pour nous, c'est formel. Pour nous, dans chaque homme, il y a une étincelle de Dieu. Dans chaque homme est, pour nous, l'image de Jésus-Christ. Par conséquent, il est impossible, sauf par faiblesse, de se laisser aller au racisme, et je dirais même à l'antipathie. Il est impossible, il devrait être impossible de juger, de trancher. Il devrait être impossible de ne pas toujours essayer désespérément et passionnément de comprendre et d'aimer les autres hommes, quels qu'ils soient. Mozart, si vous voulez me prendre au piège d'un titre de mes livres qui est « C'est Mozart qu'on assassine », non, c'est Mozart qu'on assassine, c'est une image, c'est une phrase de Saint-Exupéry. Mais Mozart, d'abord, c'est la transparence, bien sûr, c'est la musique transparente, mais c'est aussi le génie de l'enfance, Mozart. Mozart, à 7 ans, était génial. Pascal, à 7 ans, était génial. Thérèse de Lisieux, à 7 ans, était génial à sa manière, dans la sainteté. Et c'est le génie de l'enfance. Mais tout enfant a une part et un germe de génie. Ça, j'en suis sûr. Je suis sûr que nous devons tout, chacun de nous doit tout à son enfance. Et par conséquent, chacun de nous doit respecter tout dans l'enfant. Et ce qui m'affole dans le siècle actuel, et ce pourquoi j'ai écrit ce livre précisément, c'est Mozart qu'on assassine, c'est que je trouve que ce siècle ne respecte pas l'enfant et qu'il assassine en lui ce génie que j'appelle Mozart. L'enfance délinquante. L'enfance délinquante, ça a été une de mes grandes approches de la vérité. Je veux dire que pour moi, de même que j'ai un peu honte à le dire, mais je n'ai découvert la classe ouvrière, vraiment, enfin, le fond bien sûr, comme chacun. J'employais ces mots, la classe ouvrière, mais je veux dire la véritable condition ouvrière, de même que je ne l'ai découverte que pendant les années où j'ai travaillé pour les saints en enfer. Après, j'ai découvert ce monde de l'enfance mal aimée. J'ai horreur de l'enfance délinquante, ça c'est un terme administratif. En fait, c'est l'enfance en danger moral et c'est l'enfance mal aimée. Ça, je l'ai découvert avant d'écrire « Chien perdu sans collier » et ça m'a ouvert beaucoup d'autres portes. Tout ça se relie à l'amour, vous remarquerez. La technocratie. Oui, je m'en moque. Je pense qu'elle n'assure pas du tout le bonheur. Je pense que c'est une drogue. Vous comprenez, on reproche beaucoup aux jeunes d'user de drogue, mais les adultes usent de drogue tout aussi misérable, qui s'appelle le tiercé, qui s'appelle l'apéritif, qui s'appelle la technocratie aussi en un sens, qui s'appelle le confort, etc. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le couple. Le couple, c'est capital. C'est capital, c'est fragile, c'est difficile. C'est jamais tout à fait réussi, je crois. Je me méfie beaucoup. Ça, c'est les trucs pour les hebdomadaires dits parisiens. C'est-à-dire ces sortes d'horreurs que lisent des millions de femmes françaises, qui leur fait croire des choses sur le couple qui sont fausses. Je crois qu'aucun couple n'est entièrement réussi. Et que c'est peut-être dans la mesure même où il n'est pas réussi qu'il est grand. Je veux dire que quand un couple n'est pas réussi et qu'il ne se sépare pas, et qu'il veut sa réussite, qu'il le veut par amour et par amour des enfants qu'il a formés, alors c'est là que commence la grandeur de l'homme et de la femme, dans les concessions, dans la façon de regarder l'autre plus que lui-même, dans la façon de donner à l'autre plus qu'il ne reçoit mutuellement. Chacun a l'impression de donner plus, mais finalement c'est mutuel, et ça c'est la grandeur du couple. Bernanos. Bernanos, c'est le grand frère. Bernanos, c'est le grand frère coléreux. Il est de ceux à qui je dois beaucoup, il est de ceux qui, non seulement, a ouvert les portes, comme Léon Blois, comme Mauriac, mais en plus a rendu l'air respirable, vous comprenez. On se sent moins déshonoré de certaines choses parce que Bernanos a hurlé contre, parce que Mauriac a pris parti contre, parce que Léon Blois a tonné contre ces choses-là en son temps. Alors, on essaie soi-même avec la même absence de courage, car un jour, Mauriac m'a écrit, nous qui vivons dans les coulisses de notre vie, nous savons bien que nous n'avons aucun courage. Je trouve que c'est une phrase merveilleuse venant de lui et qui m'a beaucoup réconforté parce que je crois que je n'ai aucun courage et les gens m'écrivent « Quel courage vous avez ?» Alors il y a un malentendu sur le courage. Eh bien, ce malentendu, justement, Bernanos, Mauriac et d'autres l'ont levé. La femme. Ah, la femme. Je crois que la plus grande compassion que j'éprouve, c'est pour l'homme l'homme foudroyé qui vient de perdre sa femme et qui s'avise qu'il a perdu beaucoup plus que, comme dit bêtement le populaire, sa moitié. Il a perdu beaucoup plus que sa moitié. Il a vraiment perdu son âme. La poésie. La poésie, il faudrait s'entendre sur ce mot. Si vous demandiez, je crois, aux millions de Français ce que c'est que la poésie, ils verraient immédiatement dans leur tête des poèmes, c'est-à-dire des lignes plus ou moins longues, dont la fin se ressemble. Ils ont été formés à jamais par l'école primaire. La poésie, pour eux, c'est Victor Hugo. Ça, c'est une forme de poésie, mais c'est la plus facile. J'ajoute qu'il y a des poèmes qui sont totalement dénués de poésie, il y a de la prose qui est remplie de poésie, par conséquent. Bon. Cette poésie-là, je dois dire tout de même que c'est un des divorces que j'ai avec mon temps. Et c'est très triste, je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou à moi, mon manque d'ouverture, mais je suis tout de même en état de divorce avec la plupart des arts totalement caractéristiques de mon temps. Reste à savoir si ces arts-là seront durables. Mais enfin, la peinture abstraite ne me fait pas souvent plaisir. La sculpture de métal ou de plastique ne me fait presque aucun plaisir. La musique dodécaphonique me fait mal. L'antithéâtre me fait moins de plaisir que le théâtre. Pas le théâtre de boulevard, mais il y en a d'autres que le théâtre. Alors, ça devient un petit peu difficile de vivre dans ces conditions. Et la poésie actuelle ne m'aide pas à vivre et ne me donne aucune révélation de beauté, le plus souvent, ne m'ouvre pas les yeux. La poésie doit ouvrir les yeux des hommes sur le monde qui les entoure. Je crois que c'est ça, le poète, ayant gardé ses yeux d'enfant, porte sur le monde un regard neuf et grâce au mot, le fait partager aux autres. Quand je parle du monde, c'est aussi sur le cœur, mais c'est surtout la poésie par rapport au monde, à la création. Eh bien, la poésie actuelle ne me fait pas cet effet. Quand je dis actuelle, c'est toute récente, parce que je ne parle évidemment pas d'Éluard, je ne parle pas d'Aragon, je suis très en Desnos, etc. Et Saint-Jean-Père, c'est Michaud. Là, je suis chez moi, là. Bon, mais la poésie la plus récente, vous voyez, j'ai été amené à lire énormément des milliers de poèmes dans ces derniers mois pour une certaine émission. Et j'ai donc lu beaucoup de poètes actuels, modernes, jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Je n'y ai pas trouvé un grand bonheur. Et quand je relisais, par exemple, du Superviel, c'est-à-dire la transparence et le cœur tout proche, alors là, j'étais heureux. Mais alors, laissons cette poésie-là et parlons un peu de la poésie dans la vie, parce que la poésie, ce n'est pas l'affaire des poètes, c'est l'affaire de nous tous, pour la raison que je vous ai dite, que pour moi, la poésie, c'est un regard neuf jeté sur tout ce qui nous entoure et sur les êtres, que c'est le propre de l'enfance, qu'au fond, la poésie, ça s'appelle en langage chrétien l'esprit d'enfance, et c'est une des deux racines du christianisme, l'esprit d'enfance et l'esprit de pauvreté, et que cet esprit d'enfance, chrétien ou pas, il faudrait le conserver tous si l'on veut avoir dans la vie ce contrepoint indispensable au désespoir, justement. Ce contrepoint indispensable aux souffrances, aux injustices, à cette vision désolante du monde qui est en train de semer la dépression nerveuse partout. Le seul remède à la dépression nerveuse, ce n'est pas un paradoxe. C'est l'esprit d'enfance, c'est-à-dire la poésie. C'est la poésie et l'humour. Ceci n'est pas un paradoxe. Le docteur Schweitzer. Bon, le docteur Schweitzer, c'était mon ami. C'était mon ami, à demi mon père, à demi mon ami. C'était très spécial. Il me tutoyait et il voulait que je lui dise tu. Je n'ai jamais pu y arriver, bien sûr, pour la raison que je viens de vous dire. Ça a été vraiment une sorte de coup de foudre entre ce très vieux monsieur, qui au fond avait grandi en Allemagne, donc un peu étranger, qui vivait aux antipodes, et moi. Ça a été une sorte de coup de foudre assez inexplicable. Je crois beaucoup à ces rencontres, je crois beaucoup à cette sorte de communion. On n'a pas eu besoin de se dire grand-chose, vous voyez. Il n'a pas voulu lire ma pièce. Il est minuit, docteur Schweitzer. Il m'a dit, je vous fais confiance, j'ai vu votre regard, je vous fais confiance. Je ne dis pas ça par complaisance, mais il a vu dans mon regard que, je crois qu'on était de la même race, de la race des enfants, justement. Le docteur Schweitzer avait un regard d'enfant. Ça, c'est très frappant, c'est formel. Au fond, tous les grands, les vrais grands que j'ai rencontrés, les vrais, dont beaucoup sont inconnus, mais sont des grands pour moi, tous avaient un regard d'enfant. Le visage. Le visage, c'est tout. C'est tout ce que chacun peut voir de l'autre. Je ne parle pas des mini-jupes, c'est un petit peu spécial. Mais vraiment, ce que chacun montre aux autres, c'est son visage. Or, c'est justement ce que lui ne voit pas. C'est assez curieux. La seule chose que l'on montre aux autres, c'est ce que l'on ne voit pas. C'est ce que l'on croit connaître. On croit connaître son visage. Et pourtant, ça vous est arrivé comme à moi. On passe impromptu devant une glace, un miroir, dans un endroit qu'on ne connaît pas, et on regarde brusquement cet homme comme un étranger. C'est très frappant. Peut-être les femmes ont moins ça parce qu'elles se regardent beaucoup, beaucoup au miroir. Mais ce qu'elles regardent au miroir, ce n'est pas elles-mêmes. C'est elles-mêmes fabriquées pour être regardées au miroir. Et pas seulement fabriquées par le maquillage, mais fabriquées par l'expression. Ce qu'elles regardent dans un miroir, c'est la femme qu'elles ont envie d'être. Ce que nous autres, bons hommes, regardons dans un miroir, notamment le soir, c'est le pauvre type que nous ne pouvons pas nous empêcher d'être. Giraudoux a dit une phrase horrible. C'est rare hein, chez Giraudoux. C'est peut-être le seul reproche que je lui fasse. Il a dit « on a la gueule que l'on mérite ». C'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui sont laids de naissance et ce drame et ce mystère de la disgrâce est un très grand drame et un très grand mystère. Mais la phrase de Giraudoux, il faut, je crois, la reprendre en disant, à partir d'un certain, d'ailleurs quelqu'un l'a reprise ainsi, à partir d'un certain âge, on a le visage que l'on mérite. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous savez, il y a une des 8 béatitudes du Sermon sur la montagne qui est « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». J'aime cette phrase parce qu'elle semble dire que tout leur devient transparent. Eh bien, un cœur pur, ça se, au sens, attention, pureté, je ne parle pas de chasteté, je parle un cœur absent de calcul, absent d'envie, absent de toutes les fausses valeurs. Un cœur pur, je dis que ça se lit sur un visage et que son visage devient transparent. Vous parliez tout à l'heure du docteur Schweitzer. On lisait ce qu'il était sur son visage, aussi bien le côté impérieux qu'il avait, bien entendu. Mais on lisait tout le reste aussi. Moi, je crois que sur un visage, on lit tout. Il faut se méfier néanmoins de ne pas cataloguer, étiqueter les visages, parce que quelquefois, on est trahi par son visage. Mais enfin, attention, je crois qu'on a le visage que l'on mérite. Et en tout cas, on a certainement le regard que l'on mérite. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux, je visitais les malades dans les hôpitaux. Les gens qui sont vraiment à l'extrême bord de la mort, les gens qui traînent une carcasse qui les a trahis de toutes parts, les gens qui sont dans l'extrême de la misère dans ces hôpitaux qui à l'époque étaient vraiment ressemblaient plus à des abattoirs qu'à des hôpitaux, toute leur âme s'était concentrée dans leur regard. Et ils avaient à ce moment-là le regard qu'ils méritaient. L'Académie française. L'Académie française, mon cher ami Pierre Lost, c'est fini. Je le dis très carrément, très bonnement, c'est fini. D'ailleurs, dans mon livre, je le dis, j'ai eu la... Je ne peux pas dire la vanité. Il y a un peu de ça, bien sûr. Je me suis présenté à l'Académie française 2 fois. Mais la seconde fois, c'était une sorte de piège. Enfin, j'ai été pris comme un enfant dans une espèce de petite machination imbécile comme il y en a à Paris, peu importe. Mais la première fois, je l'ai voulu enfin. Non, le cher André Morois m'a fait venir et m'a dit « il faut ». Mais moi, je ne demandais pas mieux. Pourquoi ? Il y a la part de la vanité, sûrement. Et il y a surtout la part de l'écolier, je m'explique. Pour moi, l'Académie française, c'était le prix d'excellence. Hein ? J'avais écrit beaucoup de livres, déjà. À chaque livre, je me disais, est-ce que je vais y arriver jusqu'au bout ? Est-ce que je vais le réussir ? Est-ce qu'on va le lire ? Est-ce qu'on va l'aimer ? Chaque livre était une composition, c'était mes devoirs et mes leçons, parce que je suis essentiellement consciencieux, ce qui est un défaut terrible en même temps qu'une qualité, peut-être. Et pour moi, l'Académie française, je ne sais pas pourquoi, héréditairement, c'était le prix d'excellence. En fait, ce n'est pas le prix d'excellence, parce qu'il y a l'Académie française des gens qui ne méritent pas le prix d'excellence, et il y a en dehors de l'Académie française, et il y a toujours eu en dehors de l'Académie française, des gens qui le méritaient. Par conséquent, c'est simplement une assemblée de gens très bien, que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer ici et là, notamment là, dans le Conseil littéraire de Monaco, où j'en rencontre beaucoup. Et je les rencontre d'ailleurs maintenant avec beaucoup plus de liberté, de joie et de simplicité que du temps où je me disais, peut-être qu'un jour je me représenterai à l'Académie française et par conséquent, à ce moment-là, j'aurais besoin de leur voix. Tandis que maintenant, je ne veux pas me représenter, je n'ai pas besoin de leur voix. Ce sont donc des écrivains que j'admire, que j'aime, ce sont des hommes que j'aime, avec qui je suis bien, Alors voilà, tout est simple. Non, je ne veux pas me représenter parce que sur un plan simplement humain, je n'ai pas aimé les, il faut le dire, les intrigues, les mensonges, les manques de parole. Tout ça, c'est pas, je respire mal là-dedans. Naturellement, ça ne vise que très peu de gens, mais enfin voilà, ça a eu lieu et ça m'a marqué, c'est fini. Et deuxièmement, parce que du point de vue chrétien, c'est l'Académie française. Je vois pas pourquoi j'aurais refusé la Légion d'honneur il y a maintenant 15 ou 20 ans, 15 ans je crois, et toutes les autres décorations, et tous les jurys, et tous les présidences de ceci, et tous les comités d'honneur de cela, j'ai toujours tout refusé. Pourquoi ferais-je l'exception pour l'Académie française? Ça serait normal, ça serait... Je sais pas, ça serait pas... Écoutez, quand je me suis présenté à l'Académie française, j'ai reçu beaucoup de lettres de jeunes lecteurs qui m'ont dit « Mais c'est vous? C'est le même? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui vous prend ?» J'ai eu assez mauvaise conscience à ce moment-là. Je me suis dit, c'est eux qui ont raison. Ce n'est pas du tout contre l'Académie et les académiciens. Ce que je dis, je trouve très bien qu'on se présente à l'Académie. Mauriac s'est présenté, Mauriac a accumulé tous les honneurs. Je pense que le chrétien Mauriac n'en était pas toujours fier. Et je pense que le chrétien, pour lui, était l'homme le important. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est l'homme important. Alors il faudrait tout de même tâcher d'être un petit peu conséquent. La radio. La radio, c'est mon second métier. Tout à l'heure, on a parlé du premier, qui est d'écrire. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup le mot métier pour l'écriture. C'est justement pour que ce ne soit pas un métier, l'écriture, la littérature, que j'ai toujours eu un second métier, un gagne-pain. Autrement dit, je suis prisonnier d'un... Prisonnier, non. Je suis comme chacun enfermé dans un bureau pendant 7 heures par jour. Et c'est pour précisément avoir ma liberté entière pour écrire. Écrire ce que je veux, publier ce que je veux, quand je veux, que ça ait du succès ou que ça n'en ait pas. Et cela, je l'achète en ayant un second métier. Ce que j'achète en ayant un second métier, c'est le droit de dire non. C'est le droit de ne pas accepter de faire un livre sur commande, le droit de ne pas accepter qu'on tire un film d'un de mes livres si ça ne me plaît pas, le droit de ne pas faire de conférences, le droit de ne pas faire des livres sur mesure, etc. Ça, pour moi, c'est incompatible avec ma définition de la littérature, de l'écriture, de la liberté de l'écrivain. Et par conséquent, ça se paye. Eh ben, ça se paye comme pour tous les autres, en ayant un chèque à la fin du mois parce qu'on a travaillé dans un bureau pendant tout le mois. Et ça vous permet de ne pas attendre de gagner votre vie de la littérature, car sans ça, je crains qu'on soit amené à faire de la besogne littéraire. Et ça, je ne veux pas. La peur. La peur, c'est, je dois l'avouer sans fierté, c'est ma compagne depuis l'enfance. Je crois que l'on est avec ou sans la peur. Moi, j'étais un enfant peureux. C'est comme ça. Comme on est blanc ou qu'on est brun, je crois que on est peureux ou on ne l'est pas. Et toute ma vie a été une lutte contre ça. J'ai fait ce que je devais. Pendant la guerre notamment, ça a été au prix de... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'était comme ça. J'avais de mes amis qui, au contraire, trouvaient une sorte d'exaltation à prendre des risques. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas peur, je dis qu'ils aimaient ça, avoir peur. Tandis que moi, j'avais peur de la peur. Je veux dire que j'avais peur de ne pas pouvoir résister et surmonter la peur. C'est mon grand combat, encore maintenant, car pour moi... ce que je viens de vous dire s'applique à beaucoup d'hommes. Et je crois que leur façon de vaincre leur peur instinctive, c'est une mauvaise façon. Leur façon de vaincre la peur, c'est la violence, c'est le mépris, c'est le racisme, c'est la mafia. C'est tout ce que l'on déteste et qui rend ce monde invivable. Je crois que tout est à base de peur, finalement. Mais on ne l'avoue pas. Parce que les hommes, c'est un mot qu'on ne dit pas entre hommes, qu'on n'avoue pas. C'est la grande injure des enfants entre eux. Parce que les enfants ont une sorte de... n'ont pas de code entre eux. Ils ont un code pour jouer, mais ils n'ont pas un code d'honneur. Tandis que les hommes ont un code homme, comme disait Stendhal. Et le premier point de ce code, c'est justement qu'on est censé ne jamais avoir peur. Alors, c'est très grave, il vaut mieux regarder en face... et se dire que la peur est le fléau de tous les hommes dans le monde, que probablement elle est à l'origine de la plupart des catastrophes, les plus petites comme les plus universelles, et que je pense que chacun devrait s'appliquer à vaincre sa peur, et les pays à vaincre leur peur, et les différentes classes sociales à vaincre leur peur, et les différentes races à vaincre leur peur, et qu'alors le monde changerait. Et la seule façon de vaincre la peur, il n'y en a qu'une. C'est un mot qui, employé ainsi, ferait rire, mais il n'y en a qu'une, c'est l'amour. Si l'amour qui est profondément inscrit en nous, en chacun de nous, ce n'est pas une invention, une greffe artificielle, l'amour. Nous sommes faits pour aimer, nous sommes prêts à aimer. Et nous n'osons pas parce que nous avons peur. Eh bien, je crois que si, au contraire, on laissait se développer en soi cet amour qui n'est pas absurde, qui est lucide, qui est rigoureux lui aussi, mais qui doit prendre le pas sur la peur à tout instant, pour la moindre des choses, eh bien, on verrait beaucoup moins de faits divers et on verrait beaucoup moins de drames. Vous savez, l'automobiliste qui sort de sa voiture avec sa manivelle à la main, c'est parce qu'il a peur de l'autre. Prenez tous les faits divers, sauf les faits divers concertés, bien entendu, genre hold-up, etc. Mais les faits divers entre honnêtes gens. Les faits divers où vraiment on tombe des nues, on dit comment. Cet homme de sa fenêtre a tiré sur ce gosse. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur, simplement. Tout récemment, ce type qui jetait des pierres sur des gosses qui se baignaient sur sa plage, c'est le droit de propriété, bien sûr, mais il avait peur que sa plage soit envahie, il avait peur qu'on le traite comme un privilégié, il avait peur, on a peur de la foule, on a instinctivement horreur de la foule, des meetings, de la foule dans le métro, regardez les regards des gens, finalement, ils ont peur les uns les autres, ils savent qu'il suffit d'une étincelle pour que cette foule devienne hurlante, furieuse, qu'elle se mette tous contraints. Ce qui est le comble de la lâcheté. La lâcheté naît de la peur, la violence naît de la peur. La peur est, je crois, le pire fléau. Saint-Exupéry, je lui dois beaucoup. Je pense que je lui dois beaucoup. Il est un modèle d'homme que j'aime. Mais enfin, je ne me serais pas avisé que je lui devais tant si je n'avais pas vu combien il était ignoblement rabaissé depuis peu. C'est la grande mode de dire qu'il était idiot. Et que je crois que c'est Janco qui a écrit « Ce n'est pas parce qu'on les énonce du haut d'une carlingue que certaines proclamations cessent d'être des conneries ». Je crois qu'il a dit ça, ou à peu près. Eh bien, je trouve ça d'abord infâme de dire cela. Je trouve ça dérisoire de le dire quand soi-même on n'a pas créé une œuvre qui fasse la balance avec l'œuvre dont on parle. C'est un peu comme Claude Farrère disant que Victor Hugo n'était pas intelligent. Tout ça est dérisoire, tout ça est ridicule. Et tout ça est tellement ingrat qu'à ce moment-là, il faut bien essayer à sa manière de prendre la défense et d'admirer pour deux, d'admirer pour trois, d'admirer pour tous. Donc je dois dire que mon admiration ou mon affection pour Saint-Exupéry, qui reposait surtout d'ailleurs pas tellement sur un peu sur Terre des Hommes, mais sur un tout petit livre, que peu de gens ont lu et qui pour moi est un témoignage bouleversant de l'époque de l'occupation et de la personnalité de Saint-Exupéry. Ça s'appelle « Lettre à un otage ». Et Saint-Exupéry, combattant de la résistance, non comme prenant des risques, on l'a vu puisqu'il en est mort, est, je crois, le seul qui est écrit pour dire qu'il comprenait ceux qui n'avaient pas le courage d'en faire autant, ceux qu'il considérait comme des otages de l'occupation. Ça, c'est la fraternité à sa plus grande dimension. Et ça prouve que même si on n'approuve pas le penseur Saint-Exupéry, même si on trouve que l'écrivain Saint-Exupéry est surfait, en tout cas, l'homme Saint-Exupéry devrait en imposer à tout homme bien né. L'humour, c'est une vertu. L'humour, c'est une vertu. Je parle du vrai humour, je ne parle pas de l'horrible humour artificiel des chansonniers ou de l'humour grinçant, fabriqué, provoquant de harakiri. Je ne parle pas de cet humour assez infâme qui malheureusement se développe beaucoup. Je parle de l'humour vrai, de l'humour que chacun possède, même s'il lui n'est pas drôle, même s'il ne sait pas raconter des histoires drôles, même s'il ne rit pas souvent. Il y a une sorte d'humour qui consiste à ne pas se prendre au sérieux et non pas à ne pas prendre au sérieux les autres. C'est là où est le malentendu. C'est que ce qu'on appelle l'humour, généralement, consiste... C'est la moquerie ou la méchanceté. On appelle ça l'humour. C'est pas du tout ça. Il s'agit pas des autres. Il s'agit de ne pas prendre au drame les autres parce qu'on commence par ne pas se prendre soi au drame ni au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer les choses sérieuses avec sérieux, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il faut toujours garder une marge, une réserve, une petite troisième dimension, un recul vis-à-vis de soi-même et qui se termine par le sourire. Finalement, vous savez, le sourire, c'est ça qui est le propre de l'homme, c'est pas rire. Je crois qu'il y a des animaux qui rient. Mais le sourire, c'est bien plus précieux, bien plus fragile, bien plus inexplicable, bien plus mystérieux, beaucoup plus important que le rire, le sourire. Eh bien, le sourire, qui vraiment est le propre de l'homme, ça correspond très exactement à l'humour. Pas le sourire méchant, mais ce certain sourire. C'est ça l'humour. Et vraiment, je crois qu'on peut appeler ça une vertu. D'abord parce que c'est indispensable pour être un type convenable. Ensuite parce que c'est assez difficile à acquérir. L'argent. L'argent, c'est terrible. L'argent, c'est terrible pour tout homme et pour un chrétien, ça l'est encore beaucoup plus. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux racines du christianisme, c'était l'esprit d'enfance et l'esprit de pauvreté. On s'est bien expliqué sur l'esprit d'enfance. Sur l'esprit de pauvreté, je serais incapable de m'expliquer parce que je n'en ai pas encore fait le tour, je n'ai pas encore bien cerné ce que c'est. C'est d'ailleurs, ça n'a pas un rapport direct avec l'argent, mais ça a un rapport absolu avec le détachement des choses, de toutes choses, et finalement toute chose est représentée ou est acquise, ou peut être acquise par l'argent. L'argent, c'est terrible parce que il y a un certain nombre de gens qui vivent sans argent, c'est vrai, mais il y en a très peu d'entre eux qui assument leur responsabilité d'homme. Le gosse hippie qui vous demande 50 centimes, faut les lui donner parce qu'il a choisi une voie dans laquelle de demander 50 centimes, ça n'est pas humiliant. C'est pas un mendiant, il a choisi une voie dans laquelle il pense que les autres sont assez fraternels pour vous donner 10 sous ou 1 franc. Bon. C'est très bien, mais il n'assume pas ses responsabilités d'homme. Peut-être qu'il ne veut pas les assumer, et c'est en ça qu'il est intéressant et qu'il est quelqu'un, mais il ne les assume pas, c'est un fait. À partir du moment où vous les avez assumées, ça s'appelle travail, ça s'appelle famille, ça s'appelle surtout aider les autres, eh bien l'argent est nécessaire. Et l'argent est nécessaire, hélas, c'est le pire des pièges, pour la liberté, pour votre liberté dans votre vieillesse. Il faut tout de même avoir mis de l'argent de côté. Vous comprenez, nous vivons sous un certain régime. Ce régime n'est peut-être pas bon, peut-être il faut le changer, nous ne faisons pas de politique, mais enfin c'est un fait. Nous vivons dans un certain régime, alors il faut jouer le jeu de ce régime sous peine d'être à la charge des autres, sous peine de mettre ses enfants dans l'embarras, etc. Et le jeu de ce régime, c'est de gagner assez d'argent et aussi d'en mettre de côté. Moi, je serais très heureux de vivre, je serais fondamentalement, je vous le dis très sincèrement, heureux de vivre dans un régime d'où ce souci serait exclu. Je ne souffrirais pas du tout, j'en suis presque certain. On ne peut pas en être sûr avant de l'avoir vécu, mais je suis presque certain que dans un régime très rigoureux, un régime socialiste très rigoureux, à condition qu'il ne s'accompagne pas des abus, des injustices, de cet autre ordre d'injustice que l'on sait, mais un régime dans lequel ces questions d'argent, quelqu'un d'autre en dispose pour vous. Vous gagnez ce que vous méritez, à chacun selon ses besoins, chacun selon son mérite, et votre vieillesse, vos maladies, tout cela est couvert, l'éducation de vos enfants, etc. Si vraiment c'était honnêtement, sûrement, humainement assuré, je crois que j'y respirerais très bien. L'argent me fait horreur, et qu'est-ce que vous voulez... Vous comprenez, c'est comme des gens qui ont horreur. Il y a des gens qui disent « Oh, se mettre à table, oh, manger, oh, ce souci, etc. » Ben oui, c'est... Parfois, il y a des moments où ça vous donne mal au cœur, où c'est assommant de manger, de s'occuper de tout ça. Mais malheureusement, c'est la condition humaine. Mais la condition sociale, c'est aussi de gagner de l'argent et d'en mettre assez de côté pour ne pas être à la charge des autres. Voilà, avec tous les pièges que ça comporte. Voilà ce que je pense sur l'argent. C'est pas gai, c'est pas agréable, c'est fonctionnel. Don Juan. Don Juan, c'est mon ennemi personnel. Je déteste Don Juan. Ou plutôt, ce personnage me touche à cause de la fin de Don Juan, du vrai Don Juan, de Don Juan Tenorio qui a existé. J'écrirai quelque chose sur Don Juan, d'ailleurs. Mais le Don Juan, quand on dit un Don Juan, quand on dit le Don Juan, c'est un personnage que je déteste. La sorte de bellâtre qui a besoin de ses conquêtes successives, quand on dit conquête. La place tombe d'avance, parce que malheureusement, l'une des faiblesses des femmes est d'être horriblement sensible au désir qu'on a d'elle, à la conquête que l'on veut faire d'elle, aux compliments qu'on leur fait. C'est leur forme de naïveté et ça les réduit souvent en esclavage. Mais celui qui en abuse... J'ai lu quand je faisais du droit, parce que j'ai préparé le Conseil d'État, quand je faisais du droit, je lisais beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation et de toutes les cours de justice. Et j'ai lu dans un arrêt une phrase admirable qui pourrait être d'un grand écrivain. Celui qui a profité de la passion ou de la faiblesse d'une femme. L'arrêt commençait comme ça. Je l'ai noté, je ne l'ai pas oublié à 40 ans de distance, voyez. Eh bien, Don Juan est celui qui profite toujours, systématiquement, volontairement, de la faiblesse et de la passion des femmes. Et c'est ignoble. En plus, ma théorie est que Don Juan est un impuissant. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Don Juan, c'est exactement le contraire de ce qu'on croit. On croit que c'est un homme qui a un tempérament extraordinaire, mais c'est le contraire. Les types qui ont des harems, c'est parce qu'ils sont impuissants. Ce sont des pauvres types sous ce plan, sous cet angle sexuel si important, si démesurément important à notre époque. Et Don Juan est un pauvre type. C'est un impuissant. C'est un drogué. C'est vraiment un pauvre type. Stendhal. Stendhal, c'est mes amours. J'ai partagé ma jeunesse entre deux amours, Valéry, Paul Valéry et Stendhal, qui ne se ressemblent pas apparemment, qui au fond se ressemblent beaucoup. Valéry adorait Stendhal. Et je ne crois pas qu'il ait écrit quoi que ce soit sur Balzac. Il adorait Stendhal, il adorait Descartes et il détestait Pascal. On peut faire le portrait d'un grand homme par ses choix. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit, Valéry, qui a écrit « Le goût est fait de mille dégoûts ». Alors, avec ses goûts et ses dégoûts, on finit par faire son portrait. Eh bien, il aimait Stendhal, et moi, j'aimais Stendhal, pas à cause de Valéry, mais à cause de Stendhal. Je trouve que cet homme que l'on sent, malgré sa pudeur, entre toutes les lignes de ses romans, cet homme qui a écrit trois fois le même roman, Car le Rouge et Noir, La Chartreuse et Lucien Levenne, qui est le meilleur d'entre eux et le moins connu, c'est la même chose. Moi, je suis parti en guerre avec trois livres, voyez-vous. Je suis parti à la guerre en 1939 avec trois livres dans ma cantine. Il y avait l'introduction à la poésie française de Thierry Monnier, il y avait les essais de Montaigne, et il y avait Lucien Levenne de Stendhal. Et Lucien Levenne, c'est un des livres que je relis régulièrement. Et pour moi, c'est le jeune Stendhal, Lucien Levenne. Je l'aime comme un homme, et je l'aime comme un personnage. Et chaque fois que je vois un portrait de Stendhal, je suis étonné, parce qu'il ne ressemble pas physiquement à ses personnages. Et c'est pour ça que ces personnages sont ce qu'ils sont. C'est parce qu'il a voulu faire un anti-Stendhal dans chacun de ses personnages, et en même temps, il en faisait forcément un Stendhal. Le cœur et l'esprit de Stendhal dans l'apparence physique du contraire même de Stendhal. La mode. Écoutez, la mode, oui, ça m'est égal. J'ai beaucoup aimé ça à un moment, je regardais tous les journaux féminins avec beaucoup d'attention. Maintenant, ça m'est indifférent. Mais, c'est même quelque chose d'extraordinaire. Je suis ravi de la mode maxi, comme on dit, de revoir ces filles et ces femmes avec leurs jupes longues, ce qui les force à retrouver une certaine démarche, une certaine allure. Vous savez, l'allure que dit Baudelaire, comme un vaisseau chargé de toile qui prend le large. Eh bien, c'est ça. Et je me disais, c'est drôle ce que vous me demandez, parce que je me le disais ce matin même dans le métro. Je regardais s'éloigner sur le quai deux jeunes filles qui avaient une allure folle. Et je me disais, les mêmes en mini-jupe, je ne les regarderais pas. Ou peut-être elles m'énerveraient. Je les trouverais indécentes et impures à leur insu. Les regards des hommes sur elles seraient moches. Tandis que le regard des hommes était différent sur elles. Et je me disais, au fond, c'est ça la mode. La mode, ça consiste simplement à inverser le sablier de temps en temps. La mode mini est allée jusqu'à la limite, justement, où elle ne faisait plus d'effet sur les hommes, sur les autres. Alors la mode maxi maintenant renouvelle tout. La moindre jeune fille devient Greta Garbo si elle le veut, si elle a le sens de cette mode. Et voilà, ça nous donne un nouveau regard sur elle. Dans un an, ça sera peut-être fini, mais c'est bon à prendre un an avec un regard neuf, non? Les hippies. Ben, les hippies, ils ont commencé par m'énerver comme tout le monde. J'ai commencé par penser que c'était un phénomène passager, une provocation passagère. Et puis, plus je vais, plus je les prends au sérieux. Peut-être parce que j'ai lu des choses sur eux, peut-être parce que j'ai un peu davantage dialogué. Je pense que c'est un phénomène extrêmement important. Naturellement, il y a tous les oripeaux, il y a la démesure, il y a des choses sur lesquelles on les juge, la taille de leurs cheveux, hélas, la drogue, etc. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le refus. Nous, nos hippies, chez nous, ce sont pas des hippies, en vérité. Ce sont des jeunes gens, enfin, ce qu'on appelle les contestataires, sont des jeunes gens qui refusent la société actuelle, le système actuel, tout en profitant pleinement. Alors, il y a là un double jeu qui est assez énervant et qui n'est pas très rigoureux. Mais les hippies, les vrais, qui se situent en Amérique surtout, sont des gens qui refusent formellement, avec tous les risques, les ennuis et l'inconfort que ça comporte, qui refusent la société en question, qui la mettent en accusation, en silence. Vous savez, il y a une phrase extraordinaire d'un hippie qui explique la non-violence des hippies par rapport aux contestataires. C'est pourquoi c'est si différent. Tout le monde met tout dans le même sac, mais il faudra bien finir par décanter tout ça. Eh bien, il y a un hippie américain qui s'appelle Abby Hoffman et qui a dit « On ne tire pas des coups de fusil dans un ordinateur, on le débranche simplement. » Je pense que c'est une phrase extrêmement profonde. Je pense que les hippies non-violents qui s'avancent avec des fleurs au-devant des soldats armés de baïonnettes qui défendent le Pentagone. Il y a un film extraordinaire de Chris Marker là-dessus, qui m'a beaucoup frappé, beaucoup fait réfléchir. Eh bien, ces hippies non-violents sont des gens qui ont décidé de débrancher l'ordinateur. Ils ne tirent pas des coups de fusil dessus, comme le font peut-être nos contestataires ou comme le faisaient les gardes rouges, etc., qui d'ailleurs choisissaient plutôt de tirer sur les statues du Bouddha que de tirer sur les ordinateurs. C'est autre chose. Mais ils le débranchent, ils n'en veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils ont tiré le bilan de cette société et ils trouvent qu'elle ne donne pas le bonheur et que ce n'est pas la peine d'être embrigadé toute sa vie si on ne doit pas trouver le bonheur. Alors ils le cherchent ailleurs, dans des endroits, dans des façons d'être qui ne nous touchent pas, qui nous font même horreur. Mais enfin, la question est la suivante, est-ce qu'ils le trouvent? C'est peut-être un peu trop récent pour qu'on puisse donner la réponse, mais la réponse sera de taille. La mort. La mort, c'est un scandale. Il n'y a qu'une attitude à avoir devant la mort. C'est la révolte absolue, c'est l'incompréhension absolue. La mort, c'est le mystère des mystères. Ça, c'est la première attitude de toute façon. Personne ne doit se résigner à la mort, surtout à la mort des autres. La sienne, on peut en faire son affaire. La mort des autres, c'est un scandale absolu. Alors, comment concilier ça avec Dieu qui est amour? C'est le mystère des mystères, c'est ce que je vous disais. Il s'est passé quelque chose, puisque Dieu est amour et que cependant, le monde est ce que nous voyons, fait d'injustice, fait de désordre, fait de souffrance, et finalement fait de mort, alors il s'est passé quelque chose. Ce quelque chose, les théologiens l'appellent le péché originel, les chansonniers en font des plaisanteries sur la pomme et le jardin, Adam et Ève, tout ça n'existe pas, je veux dire, ça ne console pas, ça n'explique rien, c'est le mystère. Simplement, devant ce mystère, il faut, premièrement, donner un sens à sa vie, donner un sens à la souffrance, donner un sens à la douleur. Et c'est précisément ce que le Christ est venu faire sur la terre. Je ne vous fais pas un sermon en ce moment, je vous dis le fond de mon cœur et de mon âme. Le Christ est venu donner un sens à la souffrance et à la douleur. Ça s'appelle la communion des saints, c'est un mot mystérieux que les chrétiens comprennent déjà souvent mal et que les autres ne comprennent pas du tout, et c'est bien triste. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il s'agit pour chacun de nous de passer sa vie à apprivoiser la mort, à ne plus en avoir peur. Car la peur de la mort, c'est la peur des peurs, bien entendu. Et comme déjà la peur est la cause de tout le mal en nous, il faut d'abord abolir cette peur fondamentale, celle de notre mort. Il faut apprivoiser notre mort. Et le Christ est venu apprivoiser notre mort. Pour moi, la mort, c'est le Christ. Pour moi, la mort, c'est la rencontre avec la Sainte Face. C'est la rencontre avec le Christ. Alors à ce moment-là, elle change de visage. C'était Gilbert Cesbron, au micro de Pierre Lost dans Les Mots-Clés, une émission diffusée la première fois le 5 janvier 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.